Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Romuald Mofra. Salut Sofiane. Ça va toi? Ouais, nickel. Bon, nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah tu rigoles, je t'en prie. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? À propos de galères. De galères, voilà, des galères de scène, en rapport avec la scène. Toi, t'es un petit vicieux en fait. tu vas voir les humoristes, tu sais très bien, comme on n'est pas connu, évidemment on galère. Ah, alors évidemment. Détrompe-toi, parce que dans les épisodes précédents, j'ai eu des humoristes connus qui m'ont raconté leurs galères. Ouais, bah oui. Avant d'être connus, ils étaient pas connus. Donc on est tous sur ce même pied d'égalité. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Bah, pour montrer que connus ou pas, on a tous des galères. Ouais, c'est bien. Et donc, quelles étaient les tiennes avant d'être connus? Merci. Mais merci. Donc les trois premières minutes, tu me passes un petit peu de pommade, ça fait. Et je le prends très bien. Hein, ça me fait très plaisir. Là, direct, tu me mets sur un espèce de piédestal. Mais oui. Écoute, t'es mon nouveau meilleur copain, mon petit Sofiane. Franchement. Avec grand plaisir, on embrasse l'ancien. Non, mais les galères, en fait, je pense que je sais pas. C'est au quotidien. Franchement, j'ai plein d'idées. Tu vois, un gros bide. Ah, allez, vas-y. Un gros bide. C'est des classiques, ça. Un gros bide, c'est pas mal. Mais un gros bide où de toute façon tout le monde était obligé de bider, je pense, ce soir-là. C'était même un après-midi. Ah ouais, c'était en chicha. J'ai fait aussi une chicha, j'en ai fait deux. Bah, la chicha, ça avec les frères. Hein. Franchement, faut s'accrocher. Rigolo sur un gros bide. Et en plus, je crois qu'il y a un truc comme 6000 personnes. Là, tu te dis, qu'est-ce que Mofra il fout devant 6000 personnes? Oui, c'est vrai que déjà, on est déjà dans une anecdote un petit peu drôle. Hein. Le fait de se retrouver devant 6000 personnes, c'est quand même quelque chose. C'est assez peu, en tout cas, pour le souligner. Ouais. Et là, en fait, c'était un festival qui s'appelait, qui peut-être toujours d'ailleurs s'appelle Facéci, un petit jeu de mots, hein, faudra faire attention sur le truc. Et en fait, on sait, il y a quelques années, hein, je me demande si c'est pas 2015, un truc comme ça et tout. Et là, on me demande de faire des ouvertures, donc des premières parties, mais pas du tout d'humoristes, tu vois, des premières parties de chanteurs. Oh ouais, d'accord. Tu vois, déjà, déjà le truc est super casse-gueule. Et je commençais tout juste à essayer de faire des trucs en plus avec ma guitare et tout. Ouais, ouais. Donc, tu cherchais encore. Donc, je me cherche encore hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'artistiquement, je suis. Ouais, je t'ai vu ce soir, je trouve que tu t'es pas mal trouvé déjà. Et je prends très bien le compliment. Ah, c'est sincère. Non, mais merci. Mais non, vraiment, non, on est vraiment en construction. Hein. Mais donc, je reviens sur cette espèce de première partie. Premier passage, tu vois, je dois faire 8-10 minutes, 7 minutes en première partie d'un gars qui s'appelle Tom Fragé. Tu vois, c'est un surfeur, chanteur, gros carton en 2006, je crois. Tu vois. Et là, je m'en sors pas trop mal parce que j'avais ma petite guitare, pas des chansons un peu plus abouties comme t'as vu ce soir, mais des trucs, j'étais clairement dans l'animation. Hein, moi, à l'époque, je savais pas trop comment. Tu peux mettre quoi. J'étais perdu, voilà. Faut le dire aux gens. Et je prends pas de bide, ça fonctionne à peu près. J'étais avec ma petite copine de l'époque en plus, elle était quoi, c'est yes, impeccable. Et là, on n'avait pas 6000. Hein. Là, on devait quand même avoir 2000 personnes, on était en plein après-midi. Ouais. Pourquoi 6000? Parce que je dois remonter sur la scène. Là, il est 17h30, un truc comme ça. Qui fait 6000 personnes à 17h30? Qui fait ça, Sofiane? Qui dans un superstar. Tal, la chanteuse Tal. Ah bah oui. Mon frère, la chanteuse Tal. Et là, moi, je me dis, à l'époque, j'avais mes petits sketchs de l'époque, de mon petit one-man show, là. Tu vois, j'étais dans un délire. La productrice de l'époque, elle voulait me foutre en costard, j'ai joué avec une cravate. Les débuts, j'étais compliqué. C'était quand même bien dégueulasse, hein, quand même. Hein. Je suis toujours au début, mais au moins, j'ai le menton levé, si tu veux, quand je joue maintenant, parce que je défends un vrai propos. Social, évidemment. D'accord. Et je suis moi-même, tu vois. Mais alors, mais mec, mais il y a 5 ans, mais c'était très compliqué, mon histoire. Et là, je remonte sur scène, et j'avais qu'un petit truc de sketch avec la guitare que je croyais, tu vois, qui tenait la route. Je monte sur scène avec j'avais un sketch sur des jouets et ce sketch il a rencontré son public hein, finalement succès, il a eu son petit succès. Qui essaye de retomber sur ses pieds comme il peut. Non mais écoute, il avait un intérêt ce sketch, voilà, il y avait un peu de visuel, il y avait de la blagounette, on rigolait bien. D'accord. Sauf que là, moi, j'oublie un truc, c'est qu'en fait... Les gens sont pas venus pour ça. Mais non, mais exactement, ils sont venus voir Tal, mon ami. Donc sur les 6000 personnes, j'ai quoi? J'ai 3000 gamines de 12 ans. C'est ça qui se passe. Il y a du 8 ans, et les autres 3000 sont les parents, naturellement. C'est pas le meilleur public. Mais mec, mais il n'y a rien qui pouvait marcher. Peut-être qu'Avadam serait certainement cartonné, j'imagine, parce qu'avec sa notoriété, et puis il parle à, tu vois, peut-être c'est un peu. C'est son public, ouais. À l'époque, je pense que ça pouvait rentrer. Et puis, Kev, les humoristes disent qu'il il a son talent, hein, le gars. Mais il a sa carrière, il a son talent, donc, c'est sûr. Et puis, avec la notoriété, je pense que ça leur est fait, oh mon pauvre, moi j'arrive. Déjà, il y a le petit truc, tu sais, le petit syndrome, c'est qui celui-là, hein, c'est qui celui-là, de quoi va-t-il nous parler? Mais oui, parce que la difficulté déjà de base, quand tu fais une première partie d'humoriste, ouais. C'est que quand t'arrives sur scène, les gens se disent, mais c'est pas lui que je veux voir, ou c'est pas elle, tu vois. Clairement. Et en plus là, c'est non seulement c'est pas toi qu'ils veulent voir, mais c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Mais clairement. Ils veulent de la chanson, ils veulent pas de l'humour. Exactement, et là voilà. Je pars sur mon petit sketch avec les jouets. Et moi dans ma tête c'était drôle, parce que vu que ça avait déjà fait marrer les copains, bah oui. Et puis des salles, moi je me dis, allez tu fais ce que... Romuald, je me dis tu fais ce que t'as de plus sûr. Sécurité, tu joues la sécurité. Je suis arrivé avec mon sûr. Mais c'est de ma faute, ouais. Je manquais clairement de vigilance, et moi j'avais pas compris qu'on a 3000 gamines de 12 ans, et que là, pas un rire, mon pote, je t'ai installé une gênance sur 6000 personnes. Je pense que... Mais une gênance d'un niveau que peu de gens peuvent se vanter d'avoir installé. J'imagine. C'est un coup à se remettre en question. Et donc, finalement, j'écourte le truc, parce que je sais pas, un éclair de lucidité. Tu vois, donc je... Ouais. Donc voilà. T'as vite envoyé le reste. Ouais, j'ai vite envoyé le truc. En plus, c'était un délire. On était en Vendée, il fallait appeler monsieur le maire et tout, machin. Non. Évidemment, tout ça, j'ai zappé, parce que j'étais dans les cordes, hein, tu sais, comme un boxeur qui se prend des pains dans la gueule. Normal. Et là, je sors du truc. Et après, comme c'est comme des gros festivals, en fait, je suis en train de chercher mes mots parce que je sais pas comment ça s'appelle, les backstage. Voilà. Oui. Derrière. Les coulisses. Voilà, les coulisses, les machins. C'est hyper gros. T'as une cantine, un machin. Faut trouver là où tu veux aller. Ouais. Mais ça fait bosser 60 intermittents. C'est un truc énorme. Ouais. Et il y a les musiciens et les machins. Et moi, je retourne à la cantine. Là. Je retourne. Mec, il y a 60 personnes qui me regardent là. J'avais l'impression d'avoir buté leur chien. Franchement, regard accusateur, ouais, je vois ce que c'est. C'était un vrai moment très désagréable. J'imagine. C'était mon histoire. C'est une belle histoire en tout cas. Mais après, est-ce qu'en faisant la première partie justement de Tal, tu vois, est-ce que c'est pas là que tu demandes quel est le sens de la vie au final? Ah ben là, j'avoue qu'il y a un petit hommage à la chanteuse quand même. On va pas se mentir. Je t'ai vu, t'es bon. J'ai pas rigolé, j'ai réfléchi, mais c'était très drôle. Que j'essaie de la placer, tu vois. Très bien. Non, mais en tout cas, bravo. Mais déjà, tu sais ce qu'on se dit dans ces cas-là, t'as eu le courage. T'es monté devant 6000 personnes. Très bien. Et ça, c'est un hommage à ta chanson, à toi. Voilà, je l'ai vu. Non, mais ça, en toute sincérité, vraiment, c'est le courage d'avoir joué devant 6000 personnes qui ne t'attendaient pas et t'as fait le taf. Alors, c'est pas t'as commencé et t'as lâché ta guitare et t'as dit je me casse. Alors, c'est le courage et c'est aussi un petit peu d'insouciance, hein, quand même. Mais bon, quand on commence, on est obligé de tout prendre. Moi, je débutais, moi. Et puis, honnêtement, on te propose 6000 places devant 6000 personnes, n'importe qui dit oui. Oui, non, mais de toute façon, j'avais pas vraiment le choix que de dire non. Par contre, avec du recul, maintenant, je sais pas, ça fait quoi, 5, 6, 7 ans que je fais ça, 4 ans que j'ai envie. Mais là, il fallait faire de l'animation, en fait. Il fallait pas se faire chier. Essayer de faire un sketch. Montrer ton univers, tout ça, non. Mais c'était... on s'en tape, les gens étaient venus voir Tal. Donc, il fallait prendre un jet d'eau, arroser les 10 premiers rangs, et puis, tu pars sur un rire comme un seigneur, et puis tu rentres défoncer le catering. Voilà. C'est pas faux. C'est ça qu'il fallait faire, mais ça, c'est avec les années que t'apprends. C'est pour ça, ce métier rend humble. Hein. Ça rend très humble. C'est sûr qu'après un bide, tu sais, quand tu pars après un succès, en général, tu voles, tu sais. Et quand tu prends un bide, en général, tu marches vraiment. T'as vu comme t'es gentil après. T'as vu comme des fois, vu que ça flatte un peu ton ego quand t'as cartonné une salle. T'as vu quand t'es à deux doigts de te la raconter. T'as vu quand t'as bidé. Comment t'es sympa avec tout le monde. Ça va. Tu vois, avec ta meuf, tu t'engueules. T'es gentil avec ta meuf. Un point haut, t'es gentil. En plus, ça peut te faire mettre dans la gueule. Bah dis donc, tu t'ouvres ta gueule, mais t'as bidé hier soir. Tout comme un agneau après. Normal. D'ailleurs, c'est pour ça que nos meufs nous accompagnent toujours au moment des bides. On est d'accord. Ah oui, mais jamais pour les succès. Moi, je pense que ça les fait rire. Moi, je pense que nos meufs, à mon avis, des fois, mais elles rigolent. Là, il se la raconte en ce moment. J'espère que ce soir, il va bider. Je suis sûr que les meufs, elles se disent ça. Franchement, c'est clair, c'est sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, Romuald Mofra avec un S à la fin qui ne se prononce pas. Ouais, c'est voilà. Pareil. Ouais, c'est comme ça. Romuald Mofra, donc M-A-U-F-R-A-S. Voilà, Romuald. Voilà. Puis, je vais peut-être tirer mon épingle du jeu avec ce prénom parce qu'on a quand même une mode là sur les vieux prénoms qui revient. Donc, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, pas de problème. On te retrouve donc sur Facebook, Twitter. Oui, j'avoue Insta. Que sur Twitter, moi j'ai un peu lâché le truc, mais je suis sur Instagram comme sur Insta, tout le monde. Mais pas de soucis. tu as une chaîne YouTube aussi peut-être. Ah oh ouais, mais là attends, c'est pareil, là on est en train de croiser peut-être notre destin. Je suis à 89 abonnés, bon. Ah, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri. Ouais, on n'est pas à l'abri. Non, mais oui, toutes les vidéos que je fais. Okay. Puis là, les chansons, comme tu as entendu ce soir, là j'en ai fait qu'une, mais il y en a quasiment 6-7. Je vais enregistrer tout ça dans un studio, comme les grands, pour faire des clips qui ont un peu de gueule, comme on avait fait avec les gangsters modérés. Oui, tu vois, des trucs ça, un ouais. peu. On va essayer de faire des trucs assez aboutis. Ah, bah oui. Pour foutre ça sur les réseaux. Et puis, comme ça, ben moi, c'est quoi l'espoir du délire, du cheminement, de l'envie du truc. C'est que si les gens kiffent le clip je kiffe tes constructions de phrases, je te jure. C'est des phrases entières. Hein. Bah, je les lance, je sais pas comment elles vont terminer. Et tu nous fais des phrases mots contre triple. Tu vois, j'aime bien, je te jure, j'aime bien. Ça part dans tous les sens, mais on aime ça. Non, mais je vais balancer ces clips-là. Bon, nickel. Merci beaucoup. Et donc, une prochaine, j'espère. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.